Bienvenue aux amateurs de rock progressif sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières pour une nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en ondes et du choix musical avec la collaboration habituelle de Denis Marchand et Yves Farley. À l'émission aujourd'hui, on aura des nouveautés de Steven Wilson, de Whitewater, de Lonely Robot, de Anot Rule. Une nouveauté aussi de Van der Graaf Generator, en fait, c'est l'album qui est nouveau, en ce sens que c'est un album live. Cependant, les pièces sont d'époque. On aura aussi un retour dans le passé avec Anecdotin, Parlin Project et Aphrodite's Child, surtout en mémoire de Demi Sosos, qui est décédé ce 25 janvier 2015. Alors, on débute l'émission avec Steven Wilson, qui est aussi connu pour sa très, très grande participation au groupe Porcupine Tree. On le reconnaît aussi pour son jeu dans Office of Strategic Influence. Il vient de sortir son quatrième album solo, qui s'intitule Hand Cannot Erase. On va entendre la pièce First Regret, Three Years Older. Alors voici Steven Wilson. Thank you.

Alors, c'était Steven Wilson avec la pièce First Regret, Three Years Older. C'est tiré de son plus récent album, Hand Cannot Erase. C'est sorti il y a quelques jours. Et c'est déjà sold out à peu près partout. Petite parenthèse en passant, Steven Wilson sera à Montréal dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal les 26 et 27 juin. Et il a ouvert une petite fenêtre sur Québec le 29 juin à l'Impérial. Alors, à vous de... Je pense que sur Québec, je pense que Montréal est complet et Québec, il reste quelques places debout. Alors, à surveiller sur le site Internet de la salle Impériale à Québec. Alors, on enchaîne avec un nouveau groupe sur la scène du rock progressif britannique. Il s'agit de Whitewater. En fait, nouveau groupe depuis 2 ans. Ils en sont à leur deuxième parution en 2 ans. Et ce qu'on va entendre, c'est une pièce tirée du nouvel album Obscured by Sun. Et la pièce s'intitule Black Light Effect. Alors voici Whitewater. Alors, c'était Whitewater, un groupe britannique avec la pièce Black Light Effect, et c'est tiré de l'album Obscured by the Sun. On va conclure le premier bloc avec une nouvelle formation britannique du nom de Lonely Robot. C'est un nouveau groupe, mais les membres du groupe sont pas mal aguerris. Entre autres, il y a Steve Ogert de Marillion dans le groupe, il y a Greg Blundell de Pendragon, il y a John Mitchell de Arena. On a Nick Beggs aussi qui joue avec Steve Hackett et Steven Wilson. On a Nick Kershaw au niveau vocal qui s'est produit avec Steve Hackett et Tony Banks, entre autres. On a Heather Findlay aussi de Mostly Autumn. On a Jem Godfrey de Frost, entre autres. Alors, ça donne un produit assez dense et de très bonne qualité. Alors, voici la pièce Lonely Robot, et c'est tiré de l'album Please Come Home du groupe Lonely Robot. Please come home, lonely robot. Your heart is beautiful, programmed to receive. We miss you now, lonely robot. Ever so beautiful. Yeah. Alors, c'était le groupe Lonely Robot avec la pièce Lonely Robot de l'album qui vient de sortir qui s'appelle Come Back Home. Alors, retour de la pause, Annot Rule est en compagnie de Jimmy Farley jusqu'à 22h. Alors, on débute le deuxième bloc de l'émission avec un groupe norvégien du nom de Annot Rule. Ils en sont à leur troisième album paru à la fin de l'automne 2014. L'album s'intitule Léviathan et on entendra la pièce RLA. Voici Annot Rule. Ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe norvégien Annot Rule avec la pièce R Allier. Et c'est tiré de l'album Léviathan qui est paru cet automne en 2014. Alors, on va conclure le deuxième bloc avec un autre groupe scandinave du nom de Anecdoten. Anecdoten qui a une discographie assez, assez intéressante, surtout dans les années 90 et 2000. Et on a un live qui a été enregistré en 2005 au Japon. Et le live s'intitule Walking the Dead. Et on va entendre la pièce Sad Rain. Je rappelle ici qu'Anecdoten sera aussi à la convention Terra Incognita du 16 mai à Québec. Ils viendront présenter leur nouvel album, entre autres. Alors voici Sad Rain avec le groupe Anecdoten de Suède. Walking Alors, c'était le groupe suédois Anecdoten avec la pièce Sad Rain. Et ça, c'est extrait de Walking the Dead. C'est un live in Japan. C'est produit en 2005. Après la pause, le groupe suédois Parlin Project. Alors, nous voulons rendre au troisième bloc de l'émission qui sera constitué d'une seule pièce. La pièce, c'est par le groupe suédois Parlin Project. La band ou la formation s'est articulée autour d'un musicien de formation classique du nom de Parlin, qui a eu beaucoup d'influence. En fait, sa formation classique, c'est surtout au niveau de la Renaissance, de la période baroque, et aussi il y a des influences de gothique religieux du 12e et 14e siècle. C'est d'ailleurs le nom de sa première formation en 1977, s'appelait Antenna Baroque. Et un peu plus tard, il a formé Vincebus et Reptum, mais c'est arrivé dans une période où le rock progressif a subi une débandade assez importante à la fin des années 70, début des années 80. Alors, il s'est éclipsé pendant plusieurs années pour reproduire un groupe à la fin de... milieu des années 90. Le groupe, c'était Parlin Project. Il s'est associé des membres quand même de groupes assez connus, Anglagard, Flower Kings, avec la participation aussi de Bjorn Johansson. Alors lui, il a produit avec le groupe 5 albums à date, la plupart presque un album aux 3 ou 4 ans, 5 ans. Ce qu'on va entendre, c'est extrait du deuxième album paru en 1997. L'album s'appelle Mundus Incopertus et on va entendre la pièce titre. Alors voici Parlin Project. On est d'entendre Parlin Project avec la pièce titre de l'album Mundus Incompertus. Ça, c'est paru en 1997. Je rappelle que ce groupe m'a été suggéré par Roger Launier de Trois-Rivières. Et ça fait déjà un petit bout de temps, mais je me promettais de faire jouer la pièce, sauf que l'album était presque introuvable jusqu'à temps que je finisse par me procurer la collection au complet. Alors, après la pause, Van der Graaf Generator et Aphrodite's Child. 40 ans, ça a débuté en 1969. Je pense personnellement que l'album en Pawn Arts, qui est sorti en 1971, constitue le meilleur album du groupe. Mais j'étais intrigué par la sortie de cet album il y a quelques semaines. L'album s'intitule Atmos, Live Atmos. Ça a été enregistré et on retrouve plusieurs pièces classiques du groupe. Dont Murglis 3, qu'on va entendre. Et ça sera suivi par une pièce de Pawn Arts, justement, à partir d'un CD remasterisé. On va entendre la pièce la plus commerciale du groupe, Theme 1. Alors voici Van der Graaf Generator. Thank you. satisfactory words in conversation to make my passion heard. If only. Berkeley Street. He's my friend. That I can trust to let it be without pretense. There's no one else. It's killing me, but in the end, there's no one else. I know it's true. There's none at all. The mass of men. There's nothing else but my guitar. I suppose he'll have to do. Thank you. just escape. I wrong because I don't know where the prison lies. In songs like this, I can bear the weight. I'm running still. I shall until one day I hope that I'll arrive. Thank you. Alors, c'était Van der Graaf Generator avec la pièce Theme 1. C'est tiré de l'album Pawn Arts qui est paru en 1971. C'est une version remasterisée et, qui est sortie il y a quelques années et c'est très, très, très, très intéressant d'entendre les sonorités qu'on avait peut-être perdues avec les années. Alors, ça a été précédé de Murdless 3, The Songwriter's Guild, et c'est paru sur l'album Utmost Live qui est sorti il y a quelques semaines. Alors, on va conclure l'émission avec un hommage à Demis Roussos, surtout pour sa participation avec Vangelis Papathanassiou au groupe Aphrodite Child des années 60, fin des années 60 et début des années 70. Sous le nom de Aphrodite Child, ils ont produit 3 albums, dont le très, très apprécié et reconnu 666. On va entendre 2 pièces tirées de cet album-là, The Four Horsemen et Agency. Alors, voici Aphrodite Child. Horsemen had been